c'était la fin, putain la belle affaire. Dieu le fonctionnaire a été de faire tourner la terre. On déblatère autour du mystère, le sens de la vie saine, caché dans les viscères. Est-ce le désert, le dessert de la grande bouffe? Là je suis creep dans la grande gouffre. S'il faut partir, je suis partant. S'il faut rester, j'ai pas le temps. Et si demain c'était la fin, que la vie tapait une feinte pour s'éteindre, histoire déglingue et tout c'est dingue. La fin est proche, je l'ai lu, dans les nuages en rébus. Et si demain c'était la fin, ça ferait un bon début. Ça ferait un bon début. Et si demain c'était la fin, ça ferait un bon début. Si demain c'était la fin, l'air de rien aimerait galer de ses mots clips. Et si demain Zwinkels craquait, qu'il décidait de nous laisser seuls, je me mettrais peut-être à écouter la fouine et Yumpers. Si Michael venait à mourir, qu'il passait de vie à trépas, le son qui me restera pour vivre, c'est la cassette, mon gars. C'est la cassette, mon gars. C'est la cassette.